Polar, thriller, scandale et même affaire d'État. Tout y est dans ce dossier sulfureux qui porte un nom, Uramine. Uramine comme uranium et mine. Oui, une affaire où il est d'abord question du précieux minerai qui permet de faire tourner les centrales atomiques. Et une affaire aussi à 2,5 milliards de dollars, la somme payée par la société Areva, et donc par l'État, pour acquérir des mines fantômes qui, semble-t-il, ne contiendraient pas ou peu de combustible nucléaire. Une somme énorme qui a mystérieusement disparu à l'issue de cette histoire abracadabrantesque, comme dirait un ancien président de la République française. Monsieur X a donc décidé d'essayer d'y voir clair dans ce dossier où l'on retrouve les noms des plus hauts responsables de l'État, de quelques grands décideurs, à côté de ceux d'affairistes internationaux ou, pour parler plus vulgairement, de margoulins. Alors, qui est à l'origine de ce qui apparaît être une gigantesque escroquerie? Et pourquoi l'un des plus importants groupes industriels français s'est-il laissé ainsi flouer? Monsieur X ouvre quelques portes au risque de s'attirer les foudres de certains hauts personnages. Un petit atome qui se balançait dans une grosse molécule. Ce petit atome qui s'ennuyait craignait surtout le ridicule. Quand un photon vint le rencontrer, un gros photon dans l'infrarouge, même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome ainsi balancé quitta sa chère molécule, pauvre molécule décomposée, ça lui fait mal à la formule. Mais le petit atome au fond d'un cristal trouva bien vite une vacance. Ah, les vacances originales, quand les neutrons ouvrent le bal. Le petit atome au noyau fragile connut des pépins fantastiques, de méchants hommes savants subtils en firent une bombe atomique. Il explosa, quel destin hâtif! Il mourut le petit atome. Oui, mais les hommes savants fautifs sont tous devenus radioactifs, tous radioactifs, tous radioactifs. Une première constatation. Areva, le fleuron français de l'atome, va aujourd'hui très mal. Et c'est une source importante de préoccupation pour le gouvernement. Et d'autant que le capital de l'entreprise est très, très majoritairement possédé par l'État. Hein. Alors, pour expliquer la situation périlleuse de ce géant du nucléaire, il faut bien sûr évoquer ses déboires dus aux difficultés rencontrées lors de la construction de ses centrales EPR. Oui, une nouvelle technique qui, en principe, doit révolutionner la production d'électricité d'origine nucléaire. Or, tant à Olkiluoto en Finlande qu'à Flamanville, chez nous, la construction de ces deux centrales de nouvelle génération ne cesse d'accumuler les retards. Et c'est très embarrassant, parce que Areva voudrait bien vendre des centrales EPR dans d'autres pays, en Chine en particulier. Ouais, l'exemple ainsi donné n'est pas fameux. Évidemment. Mais il est aussi certain que le désastre Uramine pèse lourd dans la dégradation financière de l'entreprise. 2,5 milliards de dollars pratiquement perdus, auxquels il faut ajouter un autre milliard pour les frais d'infrastructure. N'est quand même pas rien. Mais attends, il convient aussi de prendre en compte la désaffection pour le nucléaire depuis l'accident de Fukushima. Hein. Vous avez raison. Pour l'industrie du nucléaire, les répercussions ont été extrêmement importantes. Oui, la peur d'un nouveau pépin. Donc, on n'avait plus confiance. C'est ça. Au Japon, les centrales ont été mises à l'arrêt. En Allemagne, on a décidé de tirer un trait sur la filière nucléaire. Et en France, on envisage de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et ce ne sont que des exemples. En tout cas, ça signifie pour tous les grands acteurs du secteur moins de commandes. Alors, le scandale Uramine, pour commencer à comprendre, il faut faire un retour en arrière. Mais jusqu'où, là ? 2005. À cette époque, on a oublié la catastrophe de Tchernobyl. Oui, qui s'est produite 20 ans plus tôt. Oui, et le nucléaire a à nouveau le vent en poupe. Surtout depuis que des experts ont prédit la fin du pétrole. Un pétrole qui serait de plus en plus rare. Et donc de plus en plus cher. Depuis, ces mêmes experts sont revenus sur leur prophétie. En partie à cause de l'exploitation des pétroles et des gaz de schiste aux États-Unis et au Canada. Donc, pour revenir à 2005... Nombreux sont les pays qui prévoient de se doter de centrales nucléaires. Et les constructeurs se frottent les mains. Ah, pas seulement les constructeurs, les géants miniers aussi. Car il faudra bien alimenter en uranium toutes ces futures centrales. La compétition va donc être sévère. En effet. Ici, il faut observer que dans ce contexte, la française Areva joue un rôle singulier. Car elle est à la fois producteur et consommateur. Ouais, c'est-à-dire qu'elle extrait de l'uranium, qu'elle livre ensuite dans les centrales qu'elle a construites. C'est ça. Et elle retraite ensuite les combustibles utilisés. Mais je referme provisoirement la parenthèse. En 2005, donc, tous les grands de l'extraction minière d'uranium sont sur les dents. Dans la perspective du développement intensif de l'industrie nucléaire, il leur faut à tout prix trouver de nouvelles ressources. Des nouvelles mines, hein ? Et qui sont ces grands ? À côté d'Areva, on trouve le plus grand producteur minier au monde, BHP Billiton. Tout de suite après, il y a la multinationale Rio Tinto. Oui, ce sont les principaux compétiteurs d'Areva. Oui, et tous cherchent de nouveaux gisements ou, à défaut, des mines existantes qui pourraient être rachetées. Et j'imagine aussi que cette rivalité doit entraîner une hausse des prix. Bah, naturellement. Et le groupe Areva, dirigé par une femme à poigne dont nous allons beaucoup reparler, Anne Lauvergeon. Atomique Anne, comme on l'a surnommée. Oui, je disais donc qu'Areva était bien décidée à tenir son rang dans cette course. Le groupe s'était même fixé un objectif, faire passer sa production d'uranium de 6 000 tonnes à 12 000 tonnes en 2011. C'est un objectif ambitieux. Hein. Et jusque-là, alors, d'où Areva extrayait son uranium du Niger, non ? Mais pas seulement. Et au Niger, vous le savez, l'exploitation de ces mines est parfois délicate à cause des revendications des Touaregs et du terrorisme islamique. C'est pourquoi le groupe français a aussi des activités minières au Canada et au Kazakhstan. Mais pour augmenter encore plus sa production, il lui fallait racheter des compagnies minières. Areva effectue une première tentative en Australie, en prenant une forte participation dans une mine géante du groupe australien WMC. Mais ça ne marche pas. Ah bon, pourquoi ? Bah, notamment parce que BHP Billiton, déjà très implanté en Australie, lui coupe l'herbe sous les pieds. Mais il y a aussi les réticences de la tutelle française. Ouais, l'État. Oui. C'est alors que se présente une autre occasion. On apprend à la direction d'Areva qu'une jeune société canadienne, Uramine Car Limited, est à vendre. La direction d'Areva, c'est l'Auvergne, j'imagine. Oui. Elle a entendu parler d'Uramine dans une structure internationale d'investissement où elle siège à côté du président sud-africain Thabo Mbeki. Le détail est intéressant. Car l'Afrique du Sud va jouer un rôle dans cette affaire. Mais on en reparlera. Mais une autre source évoque aussi l'intérêt d'Uramine auprès des instances dirigeantes d'Areva. Qui, alors ? La Caisse des dépôts du Québec. Une vieille connaissance du groupe français. Et en qui elle a donc confiance ? Tout à fait. Et que sait-on, là, de cette compagnie Uramine ? C'est une très jeune société créée en 2005, inscrite sur le marché hors cote de la Bourse de Londres et domiciliée dans un paradis fiscal, les îles Vierges. Oui, c'est une possession britannique. Et attendez, le fait qu'elle soit ainsi domiciliée n'inspire aucune méfiance ? Non, c'est assez banal à l'époque. Et aujourd'hui encore, malheureusement. Alors, qu'y a-t-il dans la corbeille d'Uramine ? Cette société est un nain dans un secteur dominé par les géants miniers. Mais elle est propriétaire de quelques gisements africains qui n'ont encore jamais été exploités. Où exactement ? Uramine possède des droits d'exploitation en Namibie, en Afrique du Sud et en Centrafrique, des mines qui renfermeraient à elles seules des réserves d'uranium estimées à 90 000 tonnes. Ouais, c'est un solide pactole, ça. C'est ce qu'on se dit à la direction d'Areva, où l'on est incontestablement alléché. Autre question importante, qui sont les propriétaires d'Uramine ? Parlons d'abord des deux fondateurs. Stephen Dattels est un Canadien de 56 ans. Familier du secteur minier, il a fondé de multiples petites entreprises qu'il s'est empressé de revendre après leur création. Bref, il a fait des coups de bourse. Ouais, mais c'est pas un pédigré très encourageant. Hein. Effectivement. Mais il ne rate pas une occasion pour se mettre en valeur et vanter, si j'ose dire, ses bonnes fortunes. Autre chose, il aurait déjà essayé d'arnaquer Areva dans une affaire de mine de nickel en Indonésie, dont le groupe français était l'actionnaire majoritaire. Mais enfin, passons. En tout cas, ce type ne serait donc pas tout à fait un inconnu pour Areva. Hein. Ben, c'est ce que je voulais dire. Et l'autre, son associé ? Plus jeune, James Mellon est écossais, diplômé d'Oxford. Il s'est spécialisé dans le boursicotage sur les marchés émergents. Et il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Corée du Sud. Ben, décidément, hein. Et quand Areva s'intéresse à Uramine, ce fait est connu ? Oui, ça figure clairement dans tous les documents boursiers des sociétés cotées où Mellon joue un rôle. Ah, ça aurait dû inciter Areva à la méfiance. Bah, c'est ce qui semble logique. Précisons que l'association de Dattels et Mellon dans la création d'Uramine a eu des précédents. Les deux hommes ont déjà monté ensemble plusieurs start-up de prospection minière dans l'or, le nickel et le cuivre. Et à chaque fois, ils ont revendu leur participation à très bon prix. Alors, ils comptent récidiver avec Uramine ? On pourrait en effet se le demander, car au départ, pour créer Uramine, ils n'ont pas investi grand-chose. Tout juste 50 000 livres chacun, soit à peu près 40 000 euros. Et ils signent leur contrat d'association sur le coin de table d'un pub londonien. Et c'est avec cette somme aussi ridicule, hein, qu'ils ont constitué la fameuse Uramine. C'est la vérité. Mais ces petits malins savaient qu'avec le boom économique chinois, le minerai radioactif bénéficierait d'un considérable regain d'intérêt. Oui, donc les cours ne cesseraient de monter. Et c'est avec une mise aussi mince qu'ils ont négocié leurs trois concessions en Afrique. Mais ils se sont rapidement associés avec une grosse pointure, un certain Samuel Jonah, un homme d'affaires ghanéen qui va être nommé à la présidence non-exécutive d'Uramine. Une grosse pointure, allez-vous dire ? Oui, Jonah dirige sa propre société d'investissement après avoir travaillé chez Goldman Sachs et auparavant chez Rothschild. Rothschild, qui je le souligne en passage, est le banquier d'Areva. Mais Jonah est surtout une figure importante du monde minier en Afrique du Sud et au-delà. Encore l'Afrique du Sud. Hein. Lui aussi est membre de ce club très fermé, le Conseil pour les investissements étrangers du président sud-africain Mbeki. Comme Anne Lauvergeon. Non ? Lauvergeon qu'il retrouve également au conseil d'administration de Vodafone, le groupe britannique des télécoms. Ouais, encore un hasard. Dans cette affaire, vous pourrez le constater, il y a beaucoup de hasards. Et on évolue dans un petit monde très fermé. Enfin, et j'en aurais terminé avec Jonah, il a été fait chevalier par la reine d'Angleterre. Ah, Sir Samuel, par conséquent. Bien sûr. Il siège aussi dans de nombreux conseils, dont le Conseil stratégique d'investissement sud-africain, chargé d'éclairer le gouvernement de Pretoria. En particulier sur ses choix énergétiques. Dont éventuellement le nucléaire. Hein. Alors, maintenant, comprenez mieux pourquoi nos deux fondateurs d'Uramine se sont rapprochés de Sir Samuel et lui ont même confié une présidence. Rendez-vous avec X. Monsieur X a insisté sur la somme relativement ridicule, surtout quand on sait combien Uramine leur rapportera ensuite, qui a permis à ces deux fondateurs de constituer leur société. Sur le site d'information économique capital.fr, Olivier Drouin explique que c'était pourtant bien suffisant. Avec leur mise de 100 000 dollars, nos deux roublards ont bien assez pour engager la première étape de l'opération, dénicher des permis de prospection minière délaissés par les géants du secteur, mais suffisamment crédibles. Stephen Dattles, qui connaît des centaines de géologues, jette son dévolu sur un terrain en République centrafricaine abandonné par la COGEMA au début des années 1960. Un bout de désert rocailleux en Namibie situé à proximité d'une mine de Rio Tinto et un terrain du même calibre en Afrique du Sud. Quant à l'obtention des permis de prospecter, c'est un jeu d'enfant pour qui s'est arrosé les autorités locales. Uramine ouvre des bureaux administratifs à Johannesburg, puis loue des camions et des foreuses pour donner un peu de crédibilité au projet. Il me faut ajouter qu'à côté des deux fondateurs et de Samuel Jonah, des proches de Mbeki vont prendre des parts dans Uramine. Je note en tout cas Canelo Vergeon, connaît déjà très bien Jonah, qui est lui-même très introduit en Afrique du Sud. Et du point de vue de l'Auvergeon, ça s'explique très bien, car elle souhaite vendre des centrales nucléaires là-bas. Ah oui, donc elle cultive des relations avec tous ceux qui pourraient influencer le président Mbeki. Dont Samuel Jonah. Mais je poursuis. Les deux larrons fondateurs d'Uramine ont eu du nez. Le cours de l'uranium va bientôt flamber en bourse. Il va même se former une vraie bulle spéculative autour de ce précieux minerai. Mais comment ça s'explique? Vous m'avez parlé du boom économique chinois. Ah mais il n'y avait pas que ça. Dès 2004, plusieurs pays annoncent leur volonté de se lancer dans la construction de centrales nucléaires. Alors, d'où une augmentation prévisible de la consommation d'uranium. Jusque-là, le marché était relativement bien équilibré. Je vous donne quelques chiffres de mémoire. Au niveau mondial, on avait besoin de 70 000 tonnes pour la consommation des réacteurs. Or, on ne produisait que 45 000 tonnes. C'est un écart important. Oui, mais on se rattrapait avec le recyclage du combustible usagé et aussi la conversion des énormes stocks militaires existants. Toutefois, ces derniers n'étaient pas inépuisables. Donc, la pénurie menaçait. Ce qui explique la flambée des cours. Et une spéculation effrénée en bourse. Alors, encore quelques chiffres. En très peu de temps, le cours s'envole de 25 à 130 dollars la livre. Ah ben ça, c'est excellent alors pour la petite compagnie Uramine. Évidemment, car dès que le mouvement spéculatif commence, de nombreux investisseurs s'intéressent à Uramine. C'est le cas d'un fonds britannique qui prend d'emblée 25% du capital de la société et devient par conséquent son premier actionnaire. Et ça se passe avant même que le groupe Areva manifeste son intérêt pour Uramine. Alors, justement, quand Areva entame les premiers contacts? La première rencontre entre les dirigeants d'Uramine et Anne Lauvergeon se passe en septembre 2006. Lauvergeon qui, d'après ce que vous m'avez dit, a eu connaissance de l'existence d'Uramine grâce à ses contacts sud-africains. Et Samuel Jonah. Le premier contact est suivi d'une amorce de négociation à la fin octobre. Les dirigeants d'Areva ne sont pas arrivés là les mains vides. Ils ont demandé à leurs équipes techniques de leur préparer des notes sur la valeur véritable d'Uramine. Une valeur estimée entre 170 et 200 millions de dollars. Ah ben, ce qui est déjà considérable si l'on en juge par la mise de départ des deux fondateurs. Et ceci demande combien Ils affirment que leur société vaut presque 500 millions de dollars. C'est beaucoup plus que l'estimation d'Areva. Et Anne Lauvergeon n'est pas très enthousiaste, car elle trouve que c'est beaucoup trop cher. C'est elle qui conduit les négociations? Non, mais elle les supervise naturellement. Enfin, vous avez raison de poser cette question, car un nouveau personnage apparaît. Un homme embauché par Areva en avril 2006. Donc avant les négociations avec Uramine. Hein? Tout à fait. Mais il va jouer un rôle essentiel dans cette affaire. Mmh. Alors, ce nouveau personnage Il s'appelle Daniel Wouters. C'est un banquier d'affaires belge qui a longtemps travaillé pour la Belgolaise. La Belgolaise, un mot d'explication? La Belgolaise, c'était un pur produit de la colonisation belge au Congo. une banque qui avait été le bras armé du roi Léopold II dans cette ancienne colonie. C'est par elle que passaient tous les investissements miniers belges sur le continent africain, et plus particulièrement au Congo Zaïre. Oui, qui regorge de ressources minières. La Belgolaise avait plutôt une réputation sulfureuse. Néocolonialiste. Entre autres. Elle a été rachetée par le groupe Fortis, une émanation de BNP Paribas. Mais à la suite de la découverte de graves malversations et même de son implication dans des trafics d'armes, Fortis venait de la liquider. Conséquence, Wouters a été licencié. Mais en 2006, il a donc été recruté par Areva, qui lui a confié la direction du développement de ses mines. Et c'est à ce titre alors qu'il va être impliqué dans la négociation avec Uramine. Détail que je ne peux pas passer sous silence, même s'il ne faut sans doute pas lui accorder une trop grande importance. Wouters doit son recrutement chez Areva à Olivier Frick, un consultant indépendant, spécialiste des questions énergétiques, qui est aussi dans le privé le mari d'Anne Lauvergeant. Ah oui, alors de là, imaginez qu'il a influencé son épouse pour faire embaucher ce Wouters. Certains n'ont pas hésité à franchir ce pas. Toutefois, pour être tout à fait honnête, il faut dire qu'Olivier Frick a toujours affirmé qu'il n'avait fait que transmettre le CV de Wouters, un homme qu'il connaissait bien en raison de son domaine d'activité. Mais évidemment, étant donné le rôle primordial de Wouters dans l'affaire Uramine, il était difficile d'échapper aux soupçons. Surtout quand on a appris plus tard, après le départ d'Anne Lauvergeon du groupe Areva, que Wouters était parti travailler chez Stephen Dattels, le cofondateur d'Uramine. Ouais, et ça, ça a donné l'impression que Wouters aurait pu être l'homme d'Uramine au sein d'Areva. Et du même coup, on s'est rappelé que le mari de Lauvergeon avait joué un rôle dans son recrutement par Areva. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison d'accuser Olivier Frick de quoi que ce soit. Les coïncidences, vous le savez bien, ça existe. Et je me garderai bien d'aller plus loin. D'ailleurs, le couple a déposé une plainte en diffamation contre ceux qui ont prétendu que Frick avait influencé son épouse dans le choix de Wouters. Alors, reprenons là où nous en étions restés. C'est-à-dire le fait que Anne Lauvergeon estimait que les dirigeants d'Uramine étaient vraiment trop gourmands. Elle aurait même écourté la première réunion avec ces derniers. Mais attention, il ne s'agissait nullement d'une rupture. Areva a demandé à bénéficier d'un accord d'exclusivité. Ça lui permettait de continuer à mener des investigations complémentaires avant d'engager une éventuelle transaction. Une mesure de prudence, donc. Mais chez Uramine, on décide soudain de rompre. Mais pourquoi ? On va rapidement comprendre pourquoi. Les dirigeants d'Uramine en veulent toujours plus. Et ils vont pratiquer ce que d'aucuns appellent plaisamment de la gonflette boursière. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont se débrouiller pour faire gonfler le cours d'Uramine. Vous avez compris. Ouais. Oui, mais comment vont-ils pratiquer ? Ils abandonnent la bourse de Londres pour aller faire coter leur société à Toronto, au Canada. Quel est l'intérêt d'une telle opération ? Disons que la bourse de Toronto est beaucoup plus laxiste que celle de Londres. Bref, elle est assez peu regardante sur la réglementation et la qualité des sociétés qu'elle cote. Alors, ce qui laisse penser que les dirigeants d'Uramine sont prêts à user de pratiques peu orthodoxes. On peut le comprendre ainsi. Ils commencent d'abord à se rapprocher d'une banque canadienne spécialisée dans le secteur minier. Cet établissement fait savoir qu'Uramine recherche de nouveaux partenaires. Puis, dans un deuxième temps, on procède à la publication d'expertises. On y lit que les sites où Uramine a acquis des concessions sont tous plus prometteurs les uns que les autres. La compagnie est même appelée à devenir, dans les prochaines années, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium. Mais attendez, ces expertises-là sont-elles sérieuses ? Ça, c'est autre chose. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que sur Internet, il est désormais impossible d'en retrouver, ne serait-ce que la trace. Il est donc possible de penser que ces expertises ont été rédigées par des spécialistes complaisants. C'est ce dont je suis persuadé, car un seul objectif est poursuivi, faire monter le cours boursier d'Uramine. Et ça fonctionne ? Ah, merveille ! Les patrons d'Uramine sont les auteurs d'un véritable hold-up boursier. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais songez quand même qu'entre avril 2006 et août 2007, le cours des actions Uramine augmente de près de 400%. Alors que globalement, dans le secteur minier, le cours de l'uranium n'a progressé au grand maximum que de 130%. C'est un des miracles de la science. Si dans chaque homme, il y a un astronaute qui sommeille, il y a également un mélomane qui s'ignore. Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Je demandais à M. X pourquoi les dirigeants du Ramin avaient choisi la bourse de Toronto. Et il m'a répondu qu'elle était plus laxiste. Confirmation par la journaliste de Mediapart, Martine Orange, qui est certainement l'une des meilleures spécialistes de cette affaire Uramine. Extrait. La bourse de Toronto a un autre avantage. Elle est peu à cheval sur les questions réglementaires. Le délit d'initié ou la manipulation de cours, il semble des notions assez lointaines. En 1997, elle a connu un scandale retentissant après l'effondrement de la société BreX. Cette société minière promettait des gisements d'or fabuleux à Bornéo, provoquant une ruée des actionnaires avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils avaient été grugés. Les gisements de BreX ne contenaient pas la moindre once d'or. Après ce scandale, le gouvernement canadien et le marché de Toronto promirent un renforcement de la réglementation, aussi bien boursière que sur les expertises techniques. Mais cette dernière n'est entrée en vigueur qu'en 2009, c'est-à-dire bien après l'introduction à la bourse de Toronto de la compagnie Uramine. Et maintenant, Monsieur X. Début 2007, Samuel Jonah propose à Areva de réétudier les possibilités de transaction, tout en précisant qu'il n'entend pas signer un accord exclusif avec le groupe financier. Non, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Mais ce n'est pas anormal. Et entre-temps, le cours d'uramine ne cesse de grimper. Alors même que le cours de l'uranium n'augmente pas dans de telles proportions. Donc, c'est l'effet de ce que vous avez appelé la gonflette boursière. Exactement. Aussi, c'est Anne Lauvergeon qui va prendre l'initiative. Et relancer Uramine, hein ? Oui. On est alors en mars 2007. Areva annonce soudainement qu'elle achète 5,5% du capital d'Uramine. Ça, c'est une décision de Lauvergeon ? Oui. Et seuls deux hauts cadres ont été mis dans le secret. Wouters et le directeur des mines. Mais il y a une conséquence assez préoccupante. Cet achat, même partiel, fait aussitôt grimper en flèche la valeur d'Uramine, qui est déjà au centre de l'attention de tous les marchés financiers de la planète. La décision d'Anne Lauvergeon aboutit au quasi-doublement de la valeur du titre Uramine du jour au lendemain. Alors, si Areva veut ensuite acheter la totalité d'Uramine un peu plus tard, c'est une opération incompréhensible. C'est ce qui apparaîtra plus tard, en effet. Ah, bah, j'attends votre explication. Oh, il y en a une. Très sulfureuse. Mais si vous voulez bien, on l'examinera beaucoup plus tard, à la lumière d'un roman à clé assez étonnant qui a été publié en 2014. Il y a un récit crédible. Oui, très crédible, car son auteur, Vincent Crouzet, est un homme qui connaît bien le dessous des cartes, ne serait-ce que parce qu'il a sans doute entretenu des rapports très étroits avec nos services de renseignement. Mais je vous le promets, nous en reparlerons. En attendant, et ce n'est pas moins intéressant, il y a aussi des explications purement politiques. Et ici, il faut le rappeler qu'Anne Lauvergeon a aussi été une femme politique. Bien sûr. Elle a été le Sherpa de François Mitterrand, c'est-à-dire son poisson pilote, lors de toutes les grandes réunions internationales. Un poste éminent. Hein. Qui lui a permis de se familiariser avec la plupart des plus importantes questions, tant diplomatiques qu'économiques. En outre, patronne d'Areva, elle occupe un poste stratégique et donc politique, étant donné la place du nucléaire dans l'indépendance énergétique de la France. Et donc, disiez-vous, la décision d'Anne Lauvergeon d'acquérir une petite part du capital d'Uramine, au risque de faire augmenter la valeur des actions, peut aussi avoir un mobile politique. Oui, et je vous explique. 2007, c'est aussi une année d'élection présidentielle. Et pour tous les dirigeants des groupes publics, c'est une période à risque. Donc, Anne Lauvergeon, qui veut conserver son poste à Areva, doit se garder de toute erreur. D'autant que pratiquement depuis sa naissance, le secteur nucléaire est le champ clos de féroces batailles de pouvoir. Enfin, je ne vais pas remonter trop longtemps en arrière, mais vous devez savoir qu'Areva est le fruit de la réunion de deux groupes. Oui, il y a d'abord la COGEMA, une entreprise publique. Qui s'occupe à la fois des mines, d'uranium et du recyclage des combustibles usagés. Et de l'autre, il y avait Framatome. Oui, Framatome, c'est un constructeur privé de centrales nucléaires. C'est ça. Et dès le départ, Areva s'est attiré l'hostilité de l'autre acteur de la filière, l'exploitant, c'est-à-dire EDF. Et qui est en charge, lui, du fonctionnement des centrales. Et qui prétend qu'étant donné son expertise technique, la construction des réacteurs devrait lui revenir. Donc EDF voudrait obtenir la scission d'Areva. C'est exactement ça. Une scission qui ferait le bonheur de certains intérêts privés. Martin Bouygues, un ami très proche du candidat Sarkozy, ou Patrick Cron, le PDG d'Alstom, sont aux aguets et préconisent la privatisation d'Areva. C'est aussi l'avis d'un banquier, Michel Pébrot, qui est souvent présenté comme le parrain français du monde des affaires, et qui, lui aussi, a certainement l'oreille de Nicolas Sarkozy. Ouais. Et alors, Anne Lauvergeon, n'ayant rien de ces menaces et des appétits que suscite son entreprise. Naturellement. Et dans la perspective de l'élection présidentielle, elle est bien décidée à se défendre et à se rendre indispensable. Oui. Invirable, vous voulez dire. C'est pareil. D'accord, mais que peut-elle faire? Depuis qu'elle est à la tête d'Areva, elle n'a cessé de mettre en avant le modèle intégré que représente son groupe. Un ensemble qui contrôle la totalité de la filière, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire de la production d'uranium jusqu'à la conception et à la construction des centrales. Et auprès des clients étrangers d'Areva, c'est un argument de vente important. Expliquez-moi. Parce que si Areva vend une centrale, elle garantit en même temps son approvisionnement en combustible. Toutefois, alors qu'Areva était autrefois le leader mondial de la production d'uranium, les temps ont changé. De grands groupes internationaux lui taillent des croupières et essayent de rafler toutes les ressources possibles à coup d'OPA sur les petites compagnies d'extraction. Donc, Areva doit à tout prix sauvegarder son potentiel de production d'uranium. Et même l'augmenter, afin de prouver à son principal actionnaire, l'État, qu'elle sera toujours à même d'offrir un service de qualité à ses clients étrangers. Et ça, pour la balance commerciale de notre pays, c'est un argument qui pèse lourd. C'est un argument que peut entendre un futur président de la République. En dépit des bons conseils de ses amis, partisans de la scission-privatisation, qu'il invitera tous au Fouquet's le soir de son élection. Mmh. Anne Lauvergeon n'en sera pas? Je ne crois pas. Mais ne croyez pas pour autant qu'elle ne dispose pas d'amis, même si elle n'est guère appréciée dans le monde patronal. Car elle appartient au corps des mines. Et tous les membres de cette corporation se soutiennent inconditionnellement. Alors, je résume. Si elle s'intéresse à Uramine, c'est pour renforcer la capacité minière d'Areva. Ça me paraît assez probable. Même si, je vous l'ai laissé entendre, il peut y avoir au moins une autre explication, mais n'allons pas trop vite. Je vais bien, mais alors, pourquoi, en mars 2007, là, n'a-t-elle pas acheté la totalité des actions d'Uramine au lieu de ces 5% et quelques qui ont eu pour effet d'enchérir encore le prix des actions? Peut-être a-t-elle voulu d'abord acquérir une position d'attente avant d'emporter le tout. Mais on en reparlera, car effectivement, je vous le concède, il y a là de quoi s'interroger. En tout cas, fin avril, il semble qu'Areva ait décidé de racheter la totalité des actions d'Uramine, malgré le fait que le cours ne cesse d'augmenter dans des proportions vertigineuses. Et chez Areva, personne ne s'inquiète? Et puis d'abord, comment la décision d'acheter va-t-elle être prise? Elle est forcément collective, même si la voix d'Anne Lauvergeon est prépondérante. Alors on trouve dans la petite équipe chargée de prendre la décision pratiquement tout l'état-major du groupe. Et bien sûr, Daniel Wouters s'intéressait au premier chef. Mais j'imagine que pour se lancer dans une telle aventure, tous doivent avoir connaissance de notes, d'études, d'expertise. Oui, les bureaux de la branche minière ont planché sérieusement sur le sujet. Ils ont fourni des quantités de chiffres sur les ressources estimées ou encore sur les teneurs en minerais des concessions d'uranine. D'autres experts ont fourni des estimations sur le coût des infrastructures à construire pour commencer l'exploitation. Alors, c'est donc muni de toutes ces précieuses informations que le directoire d'Areva pouvait se décider. En effet. Mais dans cette procédure, il y a quand même un élément très étonnant. Lequel ? Tous ces experts ont travaillé sur du papier. Des études parfois obtenues auprès d'Uramine. Donc, peut-être sujette à caution. Et surtout, personne ne s'est donné la peine d'aller voir sur place ce qu'il en était réellement. Ce qui est convenaisant proprement ahurissant. Or, on peut penser que si tous ces spécialistes en chambre avaient fait le déplacement dans au moins l'une des concessions d'Uramine, ils auraient sans doute évité à leur société une perte de plus de 2 milliards de dollars. Et une énorme escroquerie dont on n'a pas fini de démêler les fils. Mais si vous en êtes d'accord, nous en reparlerons la semaine prochaine, car vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Cette émission a été réalisée par Michel Billou et agrémentée de quelques notes de musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca, qui a lu quoi, Rebecca de Nantes ? J'ai lu la biographie non autorisée et irradiante de l'ex-présidente d'Areva, Anne Lauvergeon, Le pouvoir à tout prix, de Jean-Louis Pérez. Tout est dit dans le titre. Une passionnante enquête sur son ascension à l'Élysée, puis au sein d'une entreprise stratégique pour l'État français. Le journaliste consacre plusieurs chapitres à l'affaire Uramine. C'est paru au Seuil il y a quelques semaines. Et elle vous l'a dit, c'est irradiant. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain pour la suite de l'affaire Uramine. Et tout de suite, après le flash, Denis Chessout.